bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et j'ouvre une parenthèse ici parce que j'ai eu toute une semaine. En fait, ceux qui ont écouté l'émission la semaine passée, bien, vous êtes au courant que j'ai eu un problème informatique, qu'un pirate avait pris en otage mon ordinateur musical. Et j'ai eu beaucoup de difficultés. En fait, j'ai planté sur la mise à jour du logiciel de l'ordinateur et je me suis retrouvé dans une situation où je pensais avoir perdu toute ma musique. Alors, on parle ici de 42 000 fichiers de musique informatique. C'est du rock progressif depuis 50 ans, mesdames et messieurs. Alors, avec beaucoup de péripéties informatiques, j'ai réussi à extraire de cet ordinateur moribond la totalité de mes fichiers. Et étant donné que j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, ben j'ai pas eu le temps de préparer une émission de nouveautés. Alors, je me suis retourné vers mes fameux classiques des années 70 et je pense que la peur de perdre ma discothèque numérique m'a fait un petit peu rappeler que j'avais de la bonne musique des années 70 que j'avais un petit peu négligé dans les dernières années. Alors, j'y vais avec la totale aujourd'hui. On aura 12 chansons des années 70, principalement, en fait, entre 69 et 77. Et on aura Léormé, Premiata Forneria Marconi, King Crimson, Rick Wakeman, Eloy, Van der Graaf Generator, Hatfield and the North, McDonald and Giles, Can. En fait, Khan, c'est K-H-A-N, alors les musiciens de Egg avec Steve Hillage. Et on aura Caravan pour conclure. Alors, pour le premier bloc de l'émission, ben, je suis allé sur mes préférés, principalement les Italiens. Ça va commencer avec Premiata Forneria Marconi, avec un extrait du premier album qui est paru en 1972. C'est Storia d'un un minuto. Et la pièce, ben, c'est Impressioni di Settembre. Alors, Premiata Forneria Marconi, aussi appelé PFM, ben, ils ne se sont pas arrêtés à un album, il y en a eu 20, dont un qui est sorti l'automne dernier. Ensuite, on aura King Crimson avec un extrait de leur premier album aussi, In the Court of the Crimson King. Alors, on va entendre la pièce I Talk to the Wind. Ça va être suivi de Léormé, qui est eux. On fait un opéra, en fait, pas un opéra, mais un concept album en 1973. C'est Felona and Sorona. C'est le quatrième album du groupe. Et eux aussi ne se sont pas arrêtés là. Ils en ont eu 21 albums studio, dont un récent. Et on va conclure avec Rick Wakeman. Rick Wakeman, ben, le claviériste de Yes, qui, lui, a été assez prolifique dans sa carrière. Il a eu son premier album, The Six Wives of Henry VIII. Et c'est extrait tiré de cet album-là qu'on va entendre la pièce Anne Boleyn. Et ben, je disais qu'il est prolifique, M. Wakeman, mais il y a 79 albums en carrière, des albums studio. Ça, ça exclut les albums avec Yes, ça exclut les collaborations, ça exclut les compilations, les albums live et j'en passe. Et avant de passer à la musique, ben, j'aimerais souligner que tous ces artistes-là, ceux qui occupent le premier bloc, ben, ce sont des artistes qui sont encore actifs. J'ai été très surpris d'apprendre que Léormé sera présent à la croisière de Cruise to the Edge en février prochain. Peut-être Premiata Forneria Marconi aussi, mais ça, je ne suis pas certain. Alors, King Crimson tourne toujours, Rick Wakeman tourne toujours avec une mouture du groupe Yes. En fait, il y en a deux qui circulent en ce moment. Alors, Rick Wakeman fait partie d'une de ces deux-là. Alors, on débute tout de suite avec du bon rock progressif des années 70. Intorno a me c'è col sole ma non c'è dormi ancora la campagna forse no la sveglia mi guarda non so già l'odore grano sale adagio verso me quasi un mare l'erba, e leggero il mio pensiero volava, ho quasi paura che si perda. The straight man to the late man, where have you been? Thank you.

Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on continue cette émission spéciale consacrée au rock progressif des années 70 avec un groupe allemand du nom de Eloy. Eloy qui, ils ont débuté en 1971. Ils sont encore actifs 20 albums studio plus tard. Et on a eu le droit à un deuxième volet de la vie de Jeanne d'Arc, et ça s'appelle The Vision, The Sword and the Pyre. Mais nous, on va aller en 1977 et on va tirer de Ocean la pièce Atlantis Agony. Et ça va être suivi de Van der Graaf Generator qui, eux aussi, sont encore actifs. Ils ont sorti un album studio en 2016 et j'ai appris cette semaine qu'ils entreprennent une tournée en Angleterre. Alors, ça fait en fait depuis 1969 que Van der Graaf Generator est actif. C'est sûr que le saxophoniste David Jackson n'est plus du groupe, mais moi, je vais vous donner... Je vais vous donner un extrait qui inclut David Jackson. Alors, c'est l'extrait de Pawn Arts, paru en 1971. Alors, c'est le quatrième album d'une série de 13. Et la pièce, c'est la pièce qui est très bien connue, Man Urg. Alors, on y va avec Eloy et Van der Graaf Generator. And so the gods decided, great is the fear for you, when your eye takes the field against those who try to rave against you. Make your eye go down and strike the mutineers with disaster. The eye shouldn't rest in your forehead. Now it has to go down as at awe. And the eye of Re mounts down from his divine grove, down there on earth, and strikes them with disaster. Thank you. divine guidance is while it is on its way. I can feel him move. Sometimes he's lightly sleeping in the quiet of his room. But then his eyes will rise and stare through mine. He'll speak my words and slice my mind. Inside, yes, the killer lives. Tempest in my mind, and a love can heal the wounds that I have wrought. They watch me as I go to fall. Well, I know I shall be caught while the angel. Thank you. years of my youth and solemn waiting old man in the gables of the roof. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on va aller encore du côté du rock progressif des années 70 et on ne pourra pas passer sans mentionner qu'il y a eu un sous-genre du rock progressif qui porte le nom d'une région de l'Angleterre, c'est le Canterbury. Et ça, cette région-là a hébergé, ou en fait, beaucoup de musiciens origines du Canterbury, de la région d'Angleterre. Et on a eu des groupes comme Caravan, Matching Mole, Soft Machine, Egg, National Health. Et tous les musiciens qui ont passé dans ces groupes-là ont transité à un moment donné dans le groupe Hatfield and the North. Ils ont eu seulement deux albums en 1971 et je pense que c'est 72. Je vais juste faire une petite vérification ici. Merci de votre patience. Il y a eu un album homonyme en 1973 et The Rotters Club est paru en 1975. Alors moi, j'ai extrait de Rotters Club la pièce « Filterstoke has a bat ». Et on va aller tout de suite après avec une longue pièce de McDonald and Giles. Ça, c'est un album homonyme qui est paru en 1961. Juste mentionner que ces deux musiciens-là ont fait un seul album. Et c'était en fait deux musiciens qui ont fondé King Crimson. Alors, ils ont participé à un ou deux albums et puis après ça, ils sont partis. On va aller de leur propre zèle, mais ça a donné un seul album. Alors, moi, c'est la pièce Birdman que j'adore. Alors, je vous la propose. Et donc, Hatfield and the North va débuter ça. You don't suspect my life's a mess. You know that's not often. Eventually, I think that you will agree. I'm only putting lines out and shifting gears, missing gears disappears. As for you, I couldn't bear to think of it. They said you were Swedish. Drowning in the morning.

faster up, then faster down. Faster up, then faster down. Very gently, very loud, the swishing sound. Very gently, very loud. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la pièce Birdman. Ça, c'est tiré de l'album homonyme McNaughton and Giles. Ça, c'est paru en 1971. Je rappelle que ce sont deux musiciens membres fondateurs de la formation King Crimson. Alors, toute la musique que vous avez entendue ou que vous allez entendre pour le prochain bloc, c'est de la musique qui a été catapultée à partir des années 70. Alors, après la pause, Khan et Caravan. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous sommes rendus au dernier bloc de cette émission spéciale consacrée au rock progressif des années 70. Et on va débuter avec une formation qui a été assez éphémère. Et, c'est le groupe Khan, K-H-A-N. Ils ont produit un album en 1972 qui s'intitule Space Shanty et on va entendre la pièce titre de cet album-là. Je rappelle que ce groupe-là, ça a été la réunion de deux musiciens majeurs de l'époque et j'ai nommé Steve Elage, qui est le guitariste de Gong, et Dave Stewart, qui était le claviériste de Egg à l'époque. Et on va conclure avec... d'autres groupes de la même étiquette là, que j'appellerais le Canterbury. Alors, c'est Caravan. Caravan qui ont été très actifs aussi dans les années 70. Et ils ont débuté ça en 1968 avec un album homonyme. Ils ont duré, je dirais, une vingtaine d'années jusqu'dans les années 80. 13 albums, 14 albums studio et il y a un album culte là, qui s'intitule In the Land of Grey and Pink et j'ai extrait pour vous la pièce 9 Feet Underground. Alors, on débute ça avec Khan. I need you and you need me. Also, I need to be free. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est le groupe Caravan d'Angleterre et la pièce Nine Feet Underground. Ça, c'est extrait de l'album In the Land of Grey and Pink. Ça, c'est paru en 1971, il y a donc 48 ans. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de cette émission de Rock de Neurones et je vous invite à consulter la page Facebook de Rock de Neurones pour y trouver toute l'information concernant la musique qui a été jouée aujourd'hui. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous souhaite une bonne semaine et qui vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.